Y'a de la fumée dans la Krapovitch. J'étais gentil mais ça va trop vite. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui profitent. L'OPJ connaît bien mon profil. J'ai fait que de monter mais j'vais pas des démons. J'vais te raconter mais j'vais pas te dire de nom. Les petits me noter à Candy au dépôt. Reste concentré mais les loaves de déco. C'est fait péter dans le GTE. Scénario dramatique. Ça fait que de ça répéter. Ça sort l'automatique. C'est fait péter dans le GTE. Scénario dramatique. Ça fait que de ça répéter. Ça sort l'automatique. J'fais que des plans pour la monnaie. J'endors même plus la nuit. J'suis trop loyal, tu connais. J'ai plus beaucoup d'amis. Ils arrivent les ennuis. J'sais qu'ils vont tous m'abandonner. J'suis même pas étonné. C'est comme si j'avais pardonné. Mais je suis pas sûr de ce qui m'attend. Je sais très bien qu'on m'entend. Mais je suis pas sûr de ce qui m'attend. Je me fais discret, je suis comme le patron du terrain. J'ai besoin de beaucoup de millions d'euros, mais il me faut la paix pour être serein. T'as capté? Moi je fais que de m'adapter. Pendant que tes potes font les acteurs, j'amène ma petite se balader. Loin des projecteurs. Secteur, les conditions dans tous ces termes, barreau d'affront dans le golf 8 heures. On connaît bien le secteur, les conditions dans tous ces termes, barreau d'affront dans le golf 8 heures. Scénario dramatique, ça fait que de ça répéter, ça sort l'automatique. C'est fait péter dans le GT. Scénario dramatique, ça fait que de ça répéter, ça sort l'automatique. J'fais que des plans pour la monnaie, j'endors même plus la nuit. J'suis trop loyal, tu connais, j'ai plus beaucoup d'amis. Ils arrivent les ennuis, j'sais qu'ils vont tous m'abandonner. J'suis même pas étonné, c'est comme si j'avais pardonné. J'suis très bien qu'on m'entend. Mais j'suis pas sûr de ce qui m'attend. J'suis très bien qu'on m'entend. Mais j'suis pas sûr de ce qui m'attend. J'suis pas sûr de ce qui m'attend.